7h48 minutes, on poursuit cette édition du mercredi 3 juin. Si le 3 fait le mois, ben, ça va être, c'est quoi cette expression? Je sais pas si c'est scientifique. Valérie Levé pourra nous le dire. Elle est notre journaliste scientifique. Bonjour. Bonjour Valérie. Est-ce que le 3 fait le mois? Ouais, je comprends pas. Soit j'entends pas bien, je comprends pas. 3? Est-ce que... Oh non, mais il y a une expression qui dit « le 3 fait le mois ». Ah, ok, d'accord. C'est une expression, mais ouais. Je faisais une blague parce que c'est pas très scientifique, je crois, comme si la journée du 3 du mois… je comprends. Mais bon, ok, non, on n'est pas en science, visiblement. Valérie, aujourd'hui, on va revenir sur les symptômes de la COVID. Hein. On va mettre ça en perspective avec ce qu'on sait maintenant que, bon, le coronavirus, ça c'est une certitude, s'attaque aux poumons. On entend parler aussi de perte d'odorat au début, de problème de coagulation aussi, c'est arrivé ça dans le décor. Alors, est-ce que tu peux nous aider à nous y retrouver un peu sur les symptômes et est-ce qu'on comprend mieux maintenant le mode d'action du coronavirus, faire la différence un peu là entre tout ce qu'on nous dit maintenant? Ben oui, c'est ça. Je me suis dit qu'après tous ces mois-là, depuis qu'on côtoie le virus depuis quelques mois, on a peut-être commence à peut-être avoir une meilleure idée de notre ennemi. Oui. Donc dans les hôpitaux, les médecins ont vu affluer des malades. Et tous ces malades ont montré une diversité de symptômes. Donc on commence à avoir du recul sur le développement de la maladie. Mais même si on comprend pas toujours pourquoi tels symptômes surviennent chez un malade et pas chez un autre, donc c'est ça. Aujourd'hui, je fais un point sur les symptômes de la maladie. Et pour ça, je me suis appuyée sur un article qui est paru dans Science Mag, pas tout à fait récent quand même, du mois dernier, mais qui donne quand même un beau panorama de tous ces symptômes. Oui. Alors, pour ça, on va commencer par le début, hein, quand on reçoit le virus d'une personne infectée. On l'attrape finalement, c'est comme ça qu'on dit ça, là, mais ouais. On attrape le virus. Voilà, donc c'est ça, on part d'une personne infectée qui parle sans masque parce qu'elle n'a pas bien écouté les recommandations de la santé publique. Donc, elle émet des gouttelettes, des aérosols qui contiennent du virus. La personne en face ne porte pas de masque non plus et elle ne sait pas qu'elle a en face d'elle une personne infectée, donc elle reçoit des gouttelettes avec le virus et puis elle inhale les gouttelettes et elle inhale le virus dans son nez et dans ses voies respiratoires, donc la voilà infectée. Et il faut savoir aussi, comme je l'ai dit au tout début des premières chroniques, là, le virus à sa surface, il a des protéines qu'on appelle S pour spike. Et ces protéines sont capables d'interagir avec des protéines humaines, des protéines qu'on appelle ACE2. Je vais revenir plusieurs fois dans les prochaines minutes sur ces fameuses protéines ACE2. C'est des protéines qui servent à réguler la pression sanguine et on les trouve à la surface de certaines cellules dans notre corps et notamment sur les cellules pulmonaires. Et donc quand la protéine S du virus se lie à la protéine ACE2 de nos cellules, le virus entre dans nos cellules. Et là, il va parasiter la cellule, il va en détourner la machinerie cellulaire, donc il va utiliser les enzymes, tous les constituants de la cellule, il va les utiliser à son compte pour se multiplier et envahir d'autres cellules. Bon, et donc là, on est infecté. Est-ce que ça prend un certain temps avant qu'on ait des symptômes à ce moment-là? Oui, c'est ça. Donc, cette étape, en fait, elle dure plusieurs jours. Et certaines personnes vont développer des symptômes, d'autres non. Donc, c'est là qu'il y a les fameux asymptomatiques qui sont quand même porteurs du virus et éventuellement contaminants. Et pour ceux qui vont développer des symptômes, ils vont tousser, ils vont avoir de la fièvre, ils vont avoir mal à la gorge ou à la tête, ou ils vont avoir une perte d'odorat ou de goût. Puis c'est pas tous les symptômes, on l'a vu, certains ont l'un ou l'autre ou quelques-uns. Et puis là, le système immunitaire va se mettre en marche pour repousser le virus, mais ça marche pas tout le temps. Ça marche pas dans ce cas, le virus, il va continuer sa progression dans notre corps, il va continuer en fait à descendre dans les voies respiratoires et arriver dans les poumons. Et là, il est tout content parce qu'il va trouver plein de cellules avec ces fameuses protéines ACE2 et il va pouvoir poursuivre son infection. Ouais, c'est ça qu'il aime les poumons. Hein. Et là, les symptômes, à partir du moment où, ce que j'en comprends, c'est à partir du moment où le virus atteint les poumons, c'est là que les symptômes s'aggravent. Voilà, c'est ça. Donc là, le système immunitaire, il va continuer son travail. Les globules blancs vont combattre le virus et les cellules infectées et tout ça fait une sorte de pu et on arrive à des symptômes de pneumonie. Donc certains malades vont réussir à combattre cette pneumonie, Mais chez d'autres, ben, le système immunitaire, il va s'emballer un petit peu, il va travailler plus qu'il ne faut, et il va détruire le virus, mais il va aussi détruire des cellules des poumons qui ne sont pas infectées. Il va détruire des cellules saines du poumon. Donc c'est un peu, en fait, là, c'est comme si la réponse immunitaire était disproportionnée par rapport à l'attaque du virus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une piste de développement des traitements, c'est d'utiliser des médicaments immunomodulateurs, donc des médicaments qui freinent le système immunitaire. Mais on comprend qu'il ne faut pas abuser non plus de ce traitement-là, parce qu'on ne veut pas non plus tuer le système immunitaire. Non, on en a besoin, donc c'est pour ça que c'est délicat. C'est un couteau à double tranchant, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis cette réponse immunitaire, elle va entraîner une inflammation. Et c'est pour ça aussi qu'une autre piste de traitement, c'est d'utiliser des anti-inflammatoires. Et c'est le cas des travaux du docteur Jean-Claude Tardif à Montréal avec la colchicine. Oui, dont on entend parler. Alors, pour le moment, tant qu'on n'a pas ces médicaments-là, on peut supposer que les symptômes vont s'aggraver encore d'un cran là, si on ne traite pas. Voilà, c'est ça. Donc, bon, il y a quand même des patients, des malades qui, bon, la réponse immunitaire a bien fait son travail et ils vont combattre la pneumonie. Ça va pas se dégrader jusque là, mais des malades qui suivent différents chemins pour lesquels la réponse immunitaire est vraiment disproportionnée. Donc avec une inflammation, et là les poumons sont noyés dans du pus, dans des globules blancs, les débris des cellules pulmonaires qui sont mortes. Donc forcément, on comprend que les cellules pulmonaires sont noyées dans cette espèce de truc glauque là. Les échanges gazeux se font pas bien. Et là, le malade, il atteint le stade du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et c'est là qu'il va falloir le plonger dans le coma artificiel et le mettre sous respirateur artificiel. C'est là qu'on dit les gens sont aux soins intensifs là. Quand il y a tant de personnes aux soins intensifs, c'est ça. C'est ça. Et donc là, il faut l'intuber, il faut mettre un ventilateur et qu'il faut le plonger dans le coma artificiel parce que sinon, pour empêcher des réflexes qu'il ferait repousser l'intubation. Là. Ouais. Il accepte l'intubation, il faut relâcher les muscles et mettre dans un coma artificiel. Et là, il peut y rester, certains malades y restent jusqu'à 3 semaines. Et quand ils en sortent, c'est pas fini parce qu'ils sont tellement affaiblis par ce passage, 3 semaines dans le coma, pas bouger, nourri. Il y a des effets collatéraux, nous dirons. C'est ça. Donc il est affaibli et il doit faire de la réadaptation. Eh ben dis donc, hein, c'est vilain comme virus. C'est pas une petite grippette là, comme disait Monsieur Trump. Est-ce que le virus peut attaquer d'autres organes? Parce qu'à un moment donné, il y a des rumeurs qui circulaient là, ou en tout cas, c'est peut-être pas des rumeurs, c'est peut-être des faits. Mais fais-nous donc le point là-dessus. Là. Est-ce que ça peut attaquer d'autres organes? C'est ça, parce que les cellules des voies respiratoires ne sont pas les seules à porter les fameuses protéines ACE2. Le cœur et les vaisseaux sanguins en ont aussi. Et de fait, les médecins ont observé que de nombreux malades ont aussi des problèmes cardiovasculaires, comme de l'arythmie ou des lésions cardiaques. Certains ont aussi des problèmes de coagulation, donc ils vont faire des caillots qui vont aller se loger dans les poumons et ça va développer une embolie pulmonaire. Ou alors les caillots vont arriver au cerveau et vont provoquer un accident vasculo-cérébral. Donc il y a effectivement d'autres organes peuvent être attaqués. Mais là, on ne sait pas si ces problèmes cardiovasculaires sont liés à la présence des protéines ACE2 qui permettraient au virus d'attaquer le cœur. Ou alors si ces problèmes sont dus à des problèmes pulmonaires parce que le virus attaque d'abord les poumons, puis de là ça pourrait donc avoir déclenché des problèmes aussi sanguins, ou même si c'est pas une réponse immunitaire, si la réponse immunitaire excessive dont je parlais tout à l'heure pourrait pas aussi attaquer le cœur. Tant qu'à faire, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on observe qu'il y a des symptômes aussi sur le cœur, mais on ne sait pas exactement si c'est à cause de la présence des protéines ACE2 sur le cœur ou si c'est en résultat des autres symptômes, des autres problèmes pulmonaires. C'est pas une cascade d'événements. Ouais, ouais, ouais, ça pourrait, ouais, effectivement. Et sinon, on retrouve aussi des protéines ACE2 dans les reins. Donc, les reins peuvent aussi être une cible du virus. Et il y a des malades aussi qui, en plus d'avoir besoin du respirateur artificiel, ont besoin de dialyse rénale parce que leurs reins sont attaqués. Mais là encore, est-ce que c'est pas simple? Est-ce que la détérioration des reins est due à une mauvaise fonction cardiaque et donc à une mauvaise circulation sanguine, etc. Ou est-ce que c'est dû au fait que le virus y reconnaît les protéines ACE2 dans les reins? Donc là aussi, on observe des symptômes, mais on ne sait pas trop ce qui les déclenche. Oui, le corps, hein, c'est une merveilleuse machine humaine. Tout est interrelié. Là. Ben voilà. Écoute, j'imagine que ça doit être un joyeux casse-tête pour les chercheurs de trouver tout ça. Exactement. On le disait en début de chronique, là, ce qui est particulier à la COVID, c'est la perte de goût et d'odorat. Là. Ouais. Ça semble être un facteur assez récurrent chez les gens qui sont atteints de la COVID. Est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on sait comment ça se produit? Est-ce qu'on en sait plus sur le sujet? Ben, je ne sais pas si on en sait plus, mais c'est vrai que c'était quelque chose de... Je ne sais pas non plus si c'est très répandu, mais c'était inattendu. Ouais. Donc, quand ouais. on en a vu arriver quelques-uns, on se dit, ah ben oui, tiens, là, ça fait partie des symptômes de la COVID, faut en tenir compte. Alors, pour ce symptôme-là, ben là, on touche au système nerveux. Et il y a d'autres symptômes qui sont associés à la COVID et qui touchent le système nerveux. Donc, par exemple, certains malades ont aussi sont pris de convulsions. Il y en a d'autres qui ont des encéphalites ou des méningites, et on retrouve d'ailleurs des traces du virus dans le liquide céphalorachidien, c'est le liquide qui baigne le cerveau. Donc, ce qui suggère que le virus peut faire son chemin dans le cerveau. Et là encore, il y a des protéines ACE2 dans le cerveau qui pourraient expliquer que l'entrée du virus dans le cerveau. Mais certains symptômes cérébraux pourraient aussi être dus à un accident cérébrovasculaire. Donc, là encore, on observe des symptômes, mais on ne sait pas comment ils se déclenchent. Et on peut ajouter aussi, dans tout ce panorama des symptômes, il y a le système digestif, et on a trouvé des traces du système des traces du virus dans les selles de certains patients. Oui, d'où j'ai vu un reportage, il y a des gens qui maintenant travaillent dans les égouts, des scientifiques à étudier oui. justement nos eaux d'égout. Parce que oui. parce qu'on en trouve, c'est une autre belle science. Écoute, Valérie, exactement. Tu nous donnes pas envie d'attraper le virus, hein? Tu nous donnes envie, en tout cas, certainement, de se protéger parce que ça protéger. Peut. Oui, vraiment, en tout cas. Parce qu'avec tous ces symptômes-là qui peuvent s'entrecroiser, disons-le, au bout du compte, ce qu'on comprend, c'est que l'étude du virus, là, c'est pas simple, c'est très complexe. Non, c'est ça. Tous ces symptômes, ben, en fait, ça montre bien la complexité que présente l'étude du coronavirus, là, comme tu le dis. On voit qu'il a plusieurs cordes à son arc pour nous attaquer parce que il y a des protéines ACE2 dans divers organes dans le corps. Puis, ça provoque, quand il nous attaque, ça provoque une variété de symptômes. Quand on voit, puis on a du mal à voir un petit peu l'origine des symptômes, est-ce que ça vient de la reconnaissance du virus par les protéines ACE2 et donc sa porte d'entrée dans l'organe qui est touché, ou est-ce que cet organe est détérioré en conséquence d'un autre organe qui était touché comme un effet, comme une cascade d'événements finalement. Oui. Donc quand on voit un symptôme comme une insuffisance rénale, on ne sait pas si c'est une attaque directe du virus dans les reins ou si c'est une conséquence d'une insuffisance pulmonaire ou cardiovasculaire par exemple. Donc il y a des centaines d'études qui paraissent chaque jour, chaque semaine, je veux dire, chaque fois sur un type de symptôme. Les études ne peuvent pas porter sur tous les symptômes en même temps, donc chaque étude porte sur un type de symptôme, un petit groupe de malades, et finalement c'est comme plein de pièces d'un grand casse-tête. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de casse-tête, c'est vraiment ça. On a un grand casse-tête avec plein de pièces qu'on découvre. Et donc, on commence à bien voir chaque pièce du casse-tête, mais on n'arrive pas encore à assembler toutes ces pièces pour avoir l'image globale. Bon, écoute, Valérie, c'est encore une fois très éclairant tout ça. On n'a pas encore de réponse. On attend le jour où tu vas nous dire, c'est fait, on a trouvé un médicament. Oh, là, je pense que je vais faire beaucoup de chroniques, alors. c'est tant mieux. On aime beaucoup tes chroniques, Valérie. Merci infiniment. Bonne journée.